Salut les amis. Salut Charline. Les filles, ils sont pas là les garçons. On a gagné. Quelle tactique, c'était malin. Il y a du calme. Mais ça ouvre de grandes perspectives pour la suite. Super, génial. Mais on va peut-être pouvoir la gagner. Ah, ce serait super, formidable. On a gagné. Quelle tactique, c'était malin. Du calme. Ça ouvre de grandes perspectives pour la suite. Et on pourrait peut-être la gagner. Ah, mais calmez-vous. Et on est chaud. Surtout qu'on trouve des sujets. Bah, merci. On parle de ça. Non, c'est nous. Mais voilà, c'est le sujet dont toute l'Europe parle. Bah, non, en Europe, t'exagères, mais en France, mais non. Oui, vive les rouges. Hein, Guillaume, t'es pour la Belgique? Non. Hein, non, bah, je comprends plus rien là. Mais t'es pour qui, Guillaume? Non, mais je suis pour la gauche. Mais les diables rouges, c'est pas plus à gauche qu'à droite. Ils sont bons partout, mais les gars. Non, mais on s'en fiche du foot. Mais pourquoi t'es content alors? Mais attends, vous avez pas entendu? Il y aura une primaire à gauche. Ah oui, d'accord. Mais oui, vous parliez de quoi, vous? Mais de la victoire des Belges. Si tu es pour la Belgique, tape dans les mains. Et ben personne tape. Bah non, non. Alors en revanche, si t'es pour la primaire à gauche, tape dans tes mains. Ouais. Si t'es pour la primaire à gauche, tape dans tes mains. Si t'es pour la primaire à gauche, si t'es pour la primaire à gauche, si t'es pour la primaire à gauche. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, bonjour vous écoutez l'émission où personne n'est candidat à l'élection présidentielle et voici les trois informations qui ne passeront pas par la primaire. On avait tellement l'habitude qu'ils soient là, pas loin de nous, et voilà qu'ils veulent partir, rejoindre les États-Unis à la rame, les Anglais. Je dis, ils choisissent entre Brexit or not Brexit par référendum. The yes. L'Euro de football déclenche une autre compétition dans toute la France, la livraison de repas à vélo. Les coursiers qui s'occupent de votre assiette turbinent à plein régime et le soir ils réfléchissent à comment s'en sortir. Hey, on devrait créer un téléporteur. Tu veux inventer un système complexe de transfert d'un corps dans l'espace sans parcours physique des points intermédiaires entre un départ et une arrivée, c'est ça? C'est ça. L'éducation nationale est frileuse en matière d'éducation sexuelle. Les jeunes se tournent donc vers Internet pour trouver des réponses, parce que bien sûr, demander aux parents, c'est exclu. Enfin Renaud, ça peut pas l'avoir traumatisé d'avoir vu ta verge. Et je suis accompagnée de celui qui se rend volontiers disponible pour répondre à toutes les questions des stagiaires concernant l'éducation textuelle. C'est Alex Vizorek. Si vous saviez, c'est elle qui m'apprenne. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe, je vous amenais que des hommes, Charline Vanhoenacker. 17h20, Socrate a dit « Je sais que je ne sais rien ». Et c'est normal, parce qu'il ne connaissait pas Marius Colucci, qui aurait sans doute pu lui apprendre pas mal de choses. Bonjour. Eh bien, bonjour Alex, et bonjour Charline. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des cons et de pourquoi on se traite de cons. Ah oui, il y a du bon autour de la table. Exactement. 17h30, il aurait adoré rencontrer Socrate, car il aurait peut-être retrouvé un sparring partner à sa hauteur en rhétorique. Bonjour Guillaume Meurice. Ça c'est gentil. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé à un maire Front National qui a déprogrammé un groupe de la fête de la musique pour non-respect de la neutralité politique. La liberté d'expression, c'est comme la liberté tout court, elle s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, on va parler de liberté d'expression avec le Front National. Youpi, youpi. Et 17h40, quand il ne sera plus un jeune premier, c'est-à-dire dans une grosse vingtaine d'années, il fera un excellent Socrate dans un biopic signé Luc Besson, Socrate versus Platon, où il défoncera Christophe Lambert à coups de sandales spartiates. Bonjour Hippolyte Girardot. Vous êtes un scénariste génial. Oui, c'est ce qui se dit, mais personne ne m'engage. Dites-moi, de quoi on parle? En fait, j'ai parlé de la fête des pères et de Hidalgo. Très bien. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Mitterrand. Vous obtenez le prix Lumière du meilleur espoir masculin pour Les Beaux Gosses de Riyad Satouf en 2010, quand Justin Bieber vend 5,6 millions d'exemplaires de son album My Words. Vous obtenez le bac pendant le tournage d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté en 2012, quand l'Union Européenne reçoit le prix Nobel. Et vous êtes nommé au César pour Hippocrate de Thomas Lilti en 2014, l'année des JO d'hiver de Sochi. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Vincent Lacoste. La chance. Excellent. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vincent Lacoste, qu'on peut voir en salle mercredi, dans Tout de suite maintenant, le film de Pascal Bonitzer, où vous avez un rôle qui est plus dans la veine de peut-être celui que vous aviez dans Hippocrate. Alors, c'est l'histoire de Nora, qui a 30 ans, qui entame sa carrière dans un cabinet de la finance. Elle n'est pas engagée par hasard, parce que les patrons de la boîte connaissent son père, et se déroule donc une intrigue psychologique. Et vous, vous êtes Xavier, on peut dire une sorte d'alter ego professionnel aussi, à peu près le même âge dans cette boîte. Ouais, exactement, un jeune ambitieux, quoi. Voilà, vous êtes plutôt justement ambitieux, sérieux, froid, plutôt dramatique. Un petit peu à la Jérôme Kerviel. Est-ce que c'est un personnage qui vous a... Jérôme Kerviel, oui, oui. Non, pas quand même. Non, mais en fait, non, parce que Bonizard voulait me faire la coupe de Kerviel. À la base, en fait, moi, j'avais rien contre, hein, mais je me suis dit, je préfère avoir une coupe à James Stewart qu'à la Kerviel, quoi. Mais ouais, du coup, c'est ça. Et non, mis à part ça, non. Enfin, il y a pas eu d'histoire avec des banques et tout ça avec mon personnage, quoi. Alors, lorsque vous aviez joué dans Les Beaux Gosses, vous disiez que finalement, vous auriez aimé peut-être jouer le jeune collégien ambitieux, un truc un peu plus valorisant. Là, on arrive à une forme d'aboutissement de ça, c'est-à-dire que vous avez un rôle où il y a une tension dramatique, où vous êtes, plus froid, plus sérieux, vous n'êtes pas dans la comédie, dans toutes ces comédies qu'on connaît, donc j'imagine que c'était très agréable pour vous. Et, ouais, une forme c'était de chouette, rôle ouais, vous... ouais. Ah ouais, d'être froid un peu, c'était chouette. Non, mais après, je suis pas à la recherche de ça, enfin, je voulais pas. Non, pendant Les Beaux Gosses, ce que je voulais dire, je pense, c'est que je voulais être un collégien à l'époque beau, en fait, tout simplement, et pas le loser du groupe, évidemment. Là, bon, on peut pas dire que je sois. Ou au moins, j'ai un costume, donc c'est déjà la première fois que j'ai un costume au cinéma. Vous êtes du côté des gagnants mal, dans ce film. Exactement, je suis du côté des gagnants. Mais en même temps, je suis pas très compétent, j'ai l'impression. Il y a toujours un truc un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que le jour où j'aurai un rôle de mec compétent, déjà, ça... il y aura un cap passé, quoi. Alors, vous jouez, donc on va citer tous les acteurs qu'il y a dans ce film, tout de suite maintenant, de Pascal Bonitzer. Il y a notamment Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer, Pascal Grégory, Julia Faure, Virgile Vernier. Alors, quand on voit les noms Huppert, Wilson, Bacri, Pascal Grégory, ça met le niveau de jeu... Ça vous met un petit peu la pression. Vous êtes dit, il faut que là, je dois encore me surpasser par rapport à... Parce que vous avez 22 ans, vous avez déjà 18 films à votre actif. 18, ouais, bien sûr, ouais. Bah ouais, je tourne trop. Mais non, mais il y a... On se lasse pas de vous, non. C'est gentil. Mais non, oui, je me suis dit... Bon, non, mais après, ça met pas... Enfin, oui, ça met un peu la pression. En même temps, j'ai envie de dire, j'essaie de me surpasser à chaque fois. La dernière fois, vous étiez conducteur de Benoît Poulvord et... Taxi dans Saint-Amand. Bien sûr, ouais. Ça va, ouais. Mais c'est peut-être eux qui ont la pression maintenant de jouer avec vous. Exactement, j'espère bien. Ah oui, attends. Non, mais après, ça met toujours la pression, mais bon, ils sont très gentils. Et puis en plus, j'avais pas des scènes avec tous, avec Isabelle Huppert et Bacri, j'avais pas de scènes. Ouais, essentiellement avec Agathe Bonitzer, qui est donc la fille du réalisateur. Exactement. Il y a une petite mise en abîme, du coup, de la situation. De la situation de... de la fille pistonnée. Ah oui, c'est vrai, bien sûr, parce que dans le film, il s'agit de ça aussi, c'est ça. Il y a qui ne comprend pas du tout ce qu'il fait là. Oui, bien sûr. Il s'agit dans ce film, donc tout de suite maintenant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça illustre bien le monde de la finance, tout de suite maintenant. Bien sûr. C'est ce monde glacial, stérilisé, qu'on voit aussi dans le décor, très très froid. Et puis, il y a le monde du papa de l'héroïne, qui est interprété par Jean-Pierre Bacri. Lui, c'est un ancien chercheur, avec un côté un peu idéaliste, plutôt même de gauche. Ces deux visions comme irréconciliables de la société qui paraissent diamétralement opposées. Et vous, votre personnage, est-ce qu'il n'a pas un peu un pied dans les deux? Et c'est ça là, toute sa complexité. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que ce qu'il voulait faire surtout, c'est raconter une histoire d'amour et parler de sentiments et de relations amicales ou familiales ou amoureuses dans le monde de la finance, qui est quand même le monde le plus froid qui existe d'ailleurs, où les sentiments, on a l'impression, n'existent pas, quoi. Donc en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant dans le film. Et moi, mon personnage, en effet, il essaie de ne pas se laisser aller à ça, et en même temps, il laisse quand même de la place à ses sentiments et tout ça. Donc, il est ambitieux, mais bon, il est quand même un peu, il garde quand même une certaine pureté par rapport à ce milieu-là. Mais finalement, et tout c'est ça, la quoi, chose, la peut... seule chose pure là-dedans, c'est la relation. Exactement, ouais, carrément. Puisque tout le monde, et d'ailleurs même parce qu'il y a toutes les histoires avec les personnes plus âgées, tout ça, qui ont tous détruit leur vie à cause de ça, en fait. Et du coup, c'est un truc assez optimiste, un film optimiste sur la jeunesse et sur. Et sur la finance. Ou Vincent Lacoste réussit à pécho quand il signe le contrat. C'est un petit peu comme Exactement. Ça que ça se passe. Dans Tout de suite maintenant, le film de Pascal Bonitzer qui sort en salle mercredi avec notamment Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer, Pascal Grégory, Julia Faure ou Virgile Vernier. Quelle équipe ! Comme maintenant sur France Inter, toujours jusqu'à 18h avec Vincent Lacoste, bien sûr. We feel the shower. Rita Mitsouko and Sparks sur France Inter. Sous la douche, on y est. Et on y est avec Hippolyte Girardot, avec Guillaume Meurice et avec Marius Colucci par ordre d'inverse d'apparition. Et voilà. Notre invité, c'est Vincent Lacoste. Le film Tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer sort en salle mercredi où il joue un jeune loup de la finance. Allez, l'info. Calmez-vous. Allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Jean-Pierre Raffarin réclame une éthique de la primaire à droite. Donc, on rappelle quelques candidats. La primaire à droite, Copé, Sarkozy, Juppé. Ben pour l'éthique, on est sur des bonnes bases. Bordeaux, des supporters de football ont été sympas avec des policiers français. Voilà, Philippe Martinez assure que la CGT n'y est pour rien. Et puis des brèves. Oui, le syndicat de la brève mené par moi-même impose un quota. Et puis d'abord, c'était hier, oui. Une bonne fête à tous les papas. Oui, c'était la fête des pères. Et moi, cette année, ça s'est très bien passé. J'ai reçu aucun cadeau. Alex, vous n'avez pas d'enfant. Et je sais, c'est pour ça que je peux dire que ça s'est très bien passé. Jamais à l'abri qu'une tête blonde débarque. Ah d'accord, passons à la primaire à droite. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on soupçonne Michel Alliot-Marty d'être la prochaine à se lancer. Oui, on soupçonne Alex, ça me paraît assez certain. Ah, non, mais regardez, elle a tweeté « Ma décision est prise », mais non, c'est pas laquelle. Et puis elle dit « Mais balayons un peu les annonces fantaisistes sur ce que je dirai et quand je le ferai ». Oui, elle va pas faire une annonce pour dire qu'elle y va pas. Ah oui. Oui, ben voilà. Alors, la seule inconnue, c'est passera-t-elle par la primaire à droite ou pas ? Ah, elle hésite sur le chemin. Voilà, c'est ça. Même, c'est un petit peu le bison futé de la présidence. C'est ça. Passons à la loi travail. Alors, plutôt qu'un défilé, la préfecture de police de Paris demande au syndicat un rassemblement statique. Oui, donc la manif ira de nation à nation. Voilà, c'est ça. C'est assez cohérent. Ça fait des semaines que le conflit fait du surplace. Économie à présent. À Paris, un service de location de scooters électriques en libre accès sera disponible à partir de mardi. Voilà, et Julie Gayet a refusé d'être la marraine du projet. Culture. Oui. Et cette exposition au musée du Quai Branly, Jacques Chirac a prêté trois objets. Oui, un déambulateur. Non, laissez tomber. Sport. Oui, sport. Des supporters irlandais se sont fait remarquer dans les rues de Bordeaux. Ah, ils ont tout cassé ? Non, ils se sont hyper bien comportés. Et quand la police française leur a gentiment demandé de quitter les lieux, ils ont chanté. Stand up for the French police. Oui, comme c'est beau. Et donc, la police française leur a répondu. Go home for French police. Et oui, le policier français est bilingue. Et c'est beau. Heureux toujours avec hier France-Suisse. Les filets sont restés intacts, contrairement aux maillots des joueurs suisses qui se sont déchirés à plusieurs reprises. Oui, ce qui fait dire aux joueurs suisses Xherdan Shaqiri, j'espère que Puma ne fabrique pas de préservatifs. Oui, alors là, si c'est les joueurs de foot qui écrivent vos textes maintenant, attrapez-vous sur une brève. Oui, États-Unis. Enceinte d'un criminel, elle pensait l'être d'un scientifique de génie. Ah oui, il y a quand même une grande différence entre criminel et scientifique de génie. Oui, hein. Mais enfin, Ali le chimique. On le mettait dans quelle catégorie ? Excusez-moi, mais c'est une vraie question. Dernière. Nice, pour rentrer dans la fan zone, il dissimule un fumigène dans son rectum et blesse deux personnes. Ah oh. Bah oui, mais enfin, quand on dit deux personnes, c'est sans compter lui-même. Oui, c'est ça. Parce que bon, j'imagine que quand même. Enfin, voilà, je ne donnerai pas les détails précis. Parce voilà que... ce qui s'est passé dans le monde depuis 24 heures, Vincent Lacoste. Ce qui est marrant dans l'article en question sur la dernière brève, c'est qu'il stipule la taille du fumigène. 18 sur 4 cm. Mais il a explosé dans son cul, en fait. Non, parce que sinon ce serait beaucoup plus grave. Non, on en rirait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est du jellyfish sodomite. Non, il l'a sorti et puis après, il a blessé les gens. Ah, oui. D'accord. Oui, parce qu'on aimerait bien savoir. Soyons précis. Mais oui, c'était le premier sujet que nous avions choisi. Peut-on insérer un fumigène dans son rectum, Vincent Lacoste? Peut-être un avis là-dessus? Quel regard, quel œil vous portez sur cette. On va aborder avec vous le premier sujet, Vincent Lacoste. Le suspense d'un éventuel Brexit est interminable. Ce n'est que jeudi qu'on commencera à voir le bout de l'Eurotunnel. En attendant, beaucoup de Français supplient les Anglais de rester en Europe. Même Hervé Mariton, hein, vous l'avez vu dans une déclaration enflammée. Vous voulez la réécouter, cette déclaration enflammée d'Hervé Mariton au Royaume-Uni? Mais oui. Tu peux pas t'en aller comme ça. Je suis comme un vieux si tu t'en vas. Qui n'a plus rien à découvrir. Reste avec moi. Quand même. Reste avec moi. Je t'aime. Si Hervé chantait ça, je voterais pour lui. Francis. À Alors voilà, c'est de ce Brexit or not Brexit. Vincent Lacoste, vous ne pensiez pas qu'un jour on allait vous poser cette question et elle arrive. Non, est-ce que c'est vous... vrai. Il est prêt, on sent qu'il est prêt. Si vous attendez à ça. Est-ce que vous, vous êtes un petit peu tenu en haleine par ce résultat de référendum en Angleterre? Donc c'est jeudi, pour l'instant c'est 50-50. Est-ce que vous regardez ça de près ou de loin? Pour l'instant c'est 50-50. Moi je pensais qu'ils allaient clairement rester en Europe, quoi. Enfin... Ouais, c'est tangent. Bah, si s'en vont, c'est quand même dramatique, quoi. Enfin, j'ai l'impression. C'est pour ça que votre avis est important. Ça peut faire pencher. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voter non. Alors que tout dépend comment. tout dépend comment est formulée la question. Voulez-vous partir ou voulez-vous rester? Justement, la réponse ne sera pas oui ou non parce que c'est connoté, c'est stay or remain. Mais il y a quand même donc un attachement. Et nous, on a un peu ça. On se dit tiens, il y a quelqu'un qui s'en va. On se dit c'est con. En même temps, on connaît pas tous les tenants, tous les aboutissants. Enfin, pour moi personnellement, et je pense pour vous aussi. Mais donc il y a cette idée de se dire c'est con. Peut-être ils nous ont pas aimés, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah déjà, ils ont même pas voulu de l'euro, alors. Mais maintenant, ils veulent se barrer, merci. Quoi. Mais déjà, déjà merci les copains, quand même. Des gens qui roulent à gauche et qui comptent en pouces. Exactement. vous avez envie de demander, justement, de faire pencher la balance, de demander aux Anglais de rester. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de Français qui ont fait des hugs aux Anglais, qui les ont embrassés comme ça pour qu'ils restent. Il y a Hervé Mariton qui a déclaré sa flamme. Vous, c'est votre fibre un petit peu d'Européen. Non, mais moi, pour eux aussi, ils devraient rester, à mon avis. Mm-hmm. Et pour tout le monde en fait, mais le truc c'est que déjà il devrait même pas y avoir de référendum pour leur poser la question en fait, c'est ça le truc. C'est que déjà, qu'est-ce que c'est que cette démocratie à la con? Non mais bien, non, c'est pas une démocratie à la con, c'est juste au bout d'un moment, enfin je sais, quel est l'intérêt s'ils s'en vont en fait? Bah oui, alors justement. Bah c'est... Non, c'est nous qui posons les questions. Attendez, comment ça va? Nous, on y connaît absolument personne rien. N'est qualifié ici. Vous le confirmez. Mais là, l'une des motivations principales de ceux qui veulent partir et qui vont voter Should I Go, c'est l'afflux de réfugiés. Donc, une forme de repli sur soi, quoi, finalement. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une anecdote. Oui, est-ce que vous connaissez à Bruxelles Mini-Europe? Oui. C'est un parc où il y a tout plein de villes européennes et les grands monuments les uns à côté des autres. Et Mini-Europe a dit, en fait, s'ils partent, on enlève Big Ben de Mini-Europe. Parce que, ben oui, bien sûr. Voilà. Et là, ça, c'est quand même grave. Et si j'étais anglais, ça me ferait mal. Ouais. C'est un très joli parc à Bruxelles. On détruit Big Ben, mais on l'enlève pas. C'est un coup ben. De batte sur Big Ben. De toute façon, c'est un symbole musulman, Big Ben, non? Dire un minaret. Oui, ça a l'air bizarre comme truc. Vous avez développé une forme de sentiment d'appartenance à l'Europe quand vous dites, vous déclinez un peu votre identité. Vous pourriez dire, tiens, finalement, je suis aussi européen ou principalement européen. C'est compliqué en même temps de se dire ça aussi, parce que je sais pas comment dire, on a l'impression qu'un peu que l'Europe n'existe que quand tout va bien, et quand tout va mal, en fait, plus personne européen, il dit, oh là, je suis français, moi, je suis pas européen, tout va bien. Oh. Et en fait, du coup, il n'y a pas vraiment de, enfin, je sais pas comment dire, mais en même temps, il n'y a pas, à la fois, ça fait pas assez longtemps, à la fois, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est, en tout cas, est-ce que je me sens européen? Je me sens européen, oui, sur le continent et tout ça, mais, j'ai l'impression que c'est le truc un peu qui manque un peu pour l'instant à l'Europe, quoi. C'est-à-dire que on peut pas se dire qu'on se sent vraiment européen. Enfin, un Erasmus des acteurs, mais... peut-être. Mais j'allais vous dire, l'acteur qui a joué dans Goodbye Lenin, Daniel Brühl, qui est jeune, qui est de votre génération, a joué dans des films italiens, joué dans des films français, a beaucoup joué européen. Et je sais pas s'il y a des acteurs français de cette génération-là qui ont tendance à s'exiler. Fut une époque où les acteurs comme vous, Gérard, vous alliez en Italie. Oui, tout à fait. Entre l'Italie, en tout cas, et la France, il y a un cousinage qui s'est arrêté à partir du moment où le cinéma italien s'est cassé la gueule, tout simplement. Mais sinon, ça aurait continué. Et puis, sinon, pour se sentir européen, quand tu es un artiste, c'est sûr qu'il y a une sorte de communauté artistique qui est assez forte par rapport à l'Europe. C'est vrai, ça existe quand même. Par exemple, Vincent Lacoste jouer avec des actrices suédoises. J'adorerais, bien sûr. Mais il y a un super cinéma européen par ailleurs. Hein. Ouais. Alors là, moi j'aimerais beaucoup faire aussi des films comme ça et tout ça dans différents. C'est vrai que. Enfin, je sais pas. Non, mais moi, j'aimerais énormément, tourner en Europe et tout ça partout. Ça m'intéresse, parce que aussi le métier d'acteur, c'est intéressant pour ça, quoi. Quand on découvre des cultures différentes et tout ça, pas uniquement faire des films à Paris, ce que j'ai plutôt fait pour l'instant, d'ailleurs. Mais vous avez encore le temps. Vous êtes jeune. Ouais, j'ai encore le temps, mais bon. Maintenant, je parle anglais déjà, mais bon, maintenant ils s'en vont. Alors voilà, comment faire des films en anglais en Europe? Pour le Brexit, c'est con. Apprenez le monégasque. Marius Colucci, ça va, con? Ça va bien. Alors voilà. Vincent Lacoste, je suis content de vous accueillir, enfin qu'on vous accueille aujourd'hui. Je voulais vous féliciter parce que vous êtes de ce type d'acteur qui accepte de jouer des rôles qui ont des têtes de con. Et c'est pas si courant et c'est pas si facile de jouer un con dans sa vérité de con. Et il n'y a pas besoin d'être con non plus pour bien jouer un con. Mais par contre, il faut l'aimer, son con. Ça, c'est important. Bien sûr, je dis pas ça pour vous insulter, hein. Au contraire, je préfère préciser parce que votre copain Anthony Sonigo était là la semaine dernière et il nous a dit que vous étiez un peu con. Merci. Mais bon, en général, quand on insulte un mec, c'est parce qu'on voit en lui nos propres défauts, en fait. D'ailleurs, tout connement, si on y réfléchit, il faut être drôlement con pour traiter quelqu'un de con. Ça paraît con, ce que je dis, mais repensez-y, ça l'est peut-être pas. Alors, pourquoi on se traite de con ? Le con, c'est le sexe de la femme. Ça paraît insensé de se traiter de chatte. Non mais quel chatte, celui-là, je te jure, c'est vraiment le roi des chattes. Hein. Comme dit Georges Brassens, c'est injuste, madame, et c'est désobligeant que ce morceau de roi de votre anatomie porte le même nom qu'une foule de gens. Alors en fait, ça vient de la Rome antique. En effet, les Romains considéraient que le corps humain avait une partie évoluée au-dessus de la ceinture et une partie animale en dessous de la ceinture. En haut, on trouve les mains, qui sont bien plus agiles que les pieds, et surtout la bouche, d'où sort la parole, donc, ce qui nous différencie des animaux selon les Romains. Alors qu'en bas, il y a le sexe qui répond à des besoins bassement terre-à-terre, comme chez n'importe quel animal. D'ailleurs, on boit par en haut, on pisse par en bas, ça leur semblait donc tout à fait logique de penser comme ça. Je vous ferai remarquer au passage qu'on retrouve cette même distinction dans la Bible. Ça vous a jamais étonné, vous, que dans le jardin d'Éden, le fruit de l'arbre de la connaissance, ce soit le sexe ? C'est parce qu'en fait, l'arbre de la connaissance représente le savoir naturel, le sexe, les animaux, les plantes, alors que Dieu représente la loi, la spiritualité, l'élévation de l'âme pour justement se différencier des animaux. Dans le même genre, Moïse voit Dieu pour la première fois dans un buisson ardent. C'est pas mal comme image aussi, c'est assez fort. Hein. Je l'ai dit, je le blâme pas. Hein. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns, des buissons ardents, et effectivement, c'est toujours divin. Bon, je reviens aux Romains. Oui, revenons-en aux Romains. Oui, ne parlez pas de Bovis. Non seulement le sexe représentait la bestialité animale chez les êtres humains, mais le pire du pire, c'était le sexe passif, celui qui reçoit. Par exemple, l'homosexualité n'était pas un crime, mais être homosexuel passif, ça pouvait aller jusqu'à la peine de mort, selon les époques. D'ailleurs, c'est exactement pour cette raison qu'on se traite encore aujourd'hui d'enculé. Hein. C'est toujours très mal vu d'être un enculé. Par contre, d'enculer les autres, ça, les financiers le font tous les jours, ça dérange personne. Enculeur n'est pas une insulte. Donc alors, pardon, je vais encore dire un gros mot, mais quand on disait à l'époque à quelqu'un « suce ma bite », ça voulait dire « tu m'es tellement inférieur que ta partie évoluée est à même de recevoir ma partie bestiale ». Et le comble, c'était de considérer que toute la personne était aussi peu évoluée qu'un sexe passif, donc un con. Et voilà, c'est pour ça qu'on se traite de con. Et grâce à France Inter, ce soir, vous vous coucherez peut-être un peu moins con. Marius Colucci, voilà. Comment intellectualiser pour placer des jurons à l'antenne ? Bien joué, mon gars. En tout cas, si vous tapez con, sexe, enculé, Marius Colucci, vous tombez sur une chronique, et ça, c'est quand même très France Inter. Ou sur la vie privée de Marius. Merci, Marius Colucci. Allez, on est en compagnie de Vincent Lacoste jusqu'à 18h, et mercredi en salle, le film Tout de suite, maintenant, de Pascal Bonitzer avec Vincent Lacoste. J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, je m'automédique, j'avale les extraits merdiques. Ouais. Et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre des scampettes. Mes tempes m'ont pour ralentir, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou, allié. Marteau comme ici les requins, que j'aime là, qu'on le quinte au fond du bocal fêlé. Ouais, je crains de finir fou, allié. Marteau comme ici les requins. Sauce des tickets low-cost pour des cils tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décollèrent. Dans la discothèque, pousse des palmiers que le crocodile accoste. Descendons en parachute, dans cet infini paradis. La pensée à ses terres, pas vu des radars satellitaires. Cette île est-elle si réelle, abandonnée? Ou bien dans ma tête, un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou, allié. Partout comme ici les requins, que j'ai dans la conquête un tout petit grain de café. Elles disent que je suis fou, allié. Partout comme ici les requins, chance des tickets locales pour des cires tropicaux. Feu Chatterton, fou allié sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Oui, vous êtes monté dans le bon train, celui de France Inter qui est à quai à 17h36 avec Vincent Lacoste qu'on peut voir en salle mercredi dans Tout de suite maintenant avec Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri ou encore Pascal Grégory avec une musique de Bertrand Burgala, tiens, puisqu'on parle musique. Exactement. Et puis autour de cette table... Eh bien, Colucci a fini de bosser, Chirando se prépare et c'est au tour de Guillaume Meurice. Attention. Bah écoutez, vous le savez, demain c'est la fête de la musique partout en France. Une bien belle initiative de Jack Lang qui s'est dit, tiens, il y a plein de gens dans notre pays qui savent faire des reprises de Jean-Louis Aubert au djembé, pourquoi ne pas les mettre dans la rue le même soir, hein? Bien joué Jack, on sait grâce à toi que le caviar, ça rend sourd. Mais la fête de la musique, ça permet aussi à d'autres groupes professionnels de se produire de manière plus officielle dans des villes, par exemple à Villers-Cotterêts, une charmante bourgade de l'Aisne, où son maire Front National Franck Briffaut a cependant remarqué que, et alors attention, parce que là c'est un petit scoop pour vous, quelquefois les artistes étaient de gauche. Ah, vous saviez, vous étiez au courant de ça? C'est faux. Ça, c'est rare. Ah, vous n'étiez pas d'accord, non. Parce que Franck était vraiment bien au courant de ça. Ah, alors, ouais. Qu'est-ce qu'il a décidé? Eh bien, de faire un contrat dans lequel il stipule l'interdiction pour les artistes de parler politique sur scène. Et il en a profité pour déprogrammer les musiciens du groupe Les VIP parce qu'ils avaient refusé justement de signer cette clause. Ça fait quand même du bien, un bel exemple de gestion culturelle du Front National. Alors, Franck Briffaut, je l'ai contacté. Il veut pas qu'il y ait de message politique, mais il tient quand même à préciser quelque chose. Et je dis bien en marge du spectacle, c'est-à-dire que pendant le spectacle, l'artiste est évidemment libre de faire tout ce qu'il dit, de dire ce qu'il veut dans le cadre de sa chorégraphie, de ses chansons. Sur le contrat, c'est marqué dans le cadre de leur prestation artistique. Alors, c'est précis. Oui, alors après, on peut toujours discuter sur la rédaction. Ouais, ben, on va discuter. Hein, on va discuter, Franck, parce que c'est pas clair du tout. Alors, en gros, je vous résume. L'année dernière, il y a un groupe qui a décidé de reverser son cachet à l'association Philopolis, qui lutte contre les discriminations. Et ça a pas du tout plu à Franck, parce qu'ils l'ont fait savoir sur scène après leur concert. Donc cette année, il veut tout contrôler. Précisons avec Franck, par exemple, quand il dit dans une chorégraphie, ça peut passer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, je dis simplement que si c'est dans une chorégraphie, etc., c'est dans le spectacle, bon ben c'est tout. Alors s'ils disent ça en dansant, ça fonctionne. Non mais, eh bien, il faut qu'ils soient assez malins pour maintenir ça dans une démarche artistique. D'accord. Donc, amis artistes, hein, vous avez bien compris, si vous voulez émettre une opinion politique demain soir à Villers-Cotterêts, n'oubliez pas une petite roulade. Un petit entrechat, comme ça. Non à la loi El Khomri, ça passe, mais uniquement avec une arabesque. Voilà, hein, c'est clair, important de préciser ça. Parce que si un concert a une quelconque portée politique, c'est quoi? Ce n'est plus de la musique, donc vous voyez, c'est autre chose. Oui, mais si par exemple il fait une mélodie en disant « Je reverse mon cachet à une association ». Non mais, je vous dis, il y a un moment, c'est de la provocation. Moi, imaginez un peu un groupe... Ah, c'est pas de la provocation là, c'est de la liberté d'expression. Non mais attendez, moi je dis simplement qu'on est là pour un spectacle musical. Oui, d'accord, un spectacle musical, donc pas de politique. Alors l'idéal pour demain soir, ce serait des reprises de Michel Thor, par exemple, on est bon. Chanteuse engagée. Encore que la chanson « Je m'appelle Michel » est peut-être une ode à Michel Alliomar, il faudra vérifier. Mais des reprises d'Annie Cordy, voilà, on peut dire, ça peut passer quand même ça. Parce que les artistes doivent être comment? Les artistes doivent être clairs dans leur démarche. Et encore Annie Cordy, on ne sait pas, parce que Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ça se trouve, c'est un tract de SOS racisme. Moi je pense que là, il y a un moment, il y a une démarche qui reste artistique, et à un moment, c'est de la provoque. S'il y a un tract de SOS racisme sous le chapeau, c'est de la provoque pour vous? Moi je dis qu'on est là pour faire de la musique d'abord. Alors si c'est maintenant mettre un frac de SOS racisme, évidemment c'est de la provoque. Mais oui, bah, du coup faut être quand même vachement vigilant. Parce qu'en plus, Tata Yo-Yo, dans sa tête, il y a des tas d'oiseaux aussi. Hein, donc c'est peut-être le vol noir des corbeaux du chant des partisans. partisans. Ça, c'est de gauche, hein. Ça, on sait pas. Si ça se trouve, Tata Yo-Yo, c'est la tante de Lionel Jospin. Hein, qu'était trotskiste. Attends, on sait pas. Faut se méfier. Alors, résumons, si vous le voulez bien, la pensée globale de Franck sur l'art. Quand on fait un contrat, on honore. Moi, quand je fais venir quelqu'un qui change mes fenêtres à la maison, je le paye pour changer les fenêtres, ça lui donne pas le droit de critiquer la manière dont je gère mon ménage quand il a fini de poser les fenêtres. Voilà, un artiste, donc c'est un poseur de fenêtres, ça prend les mesures, ça pose les jointures et ça la boucle. D'ailleurs, retrouvez l'essai philosophique de Franck Briffaut hein, en 12 volumes, intitulé « L'art à travers les âges », de la pose du carrelage par Kevin Leroy Merlin au changement de joint de culasse chez Speedy, un livre référence dans le domaine. Alors, cette vision pose tout de même un petit problème logistique. Comment il va faire Franck pour vérifier que tout se passe bien, que tout le monde chante bien comme il faut, et ne dise surtout rien qui dépasse? Mais a priori, je ne vérifie pas. Ah bah oui, bah alors vous allez payer tout le monde, quoi qu'il fasse, puisque vous n'allez pas pouvoir prouver que... Il y a des témoins, ça se plaide, vous savez, on a des... C'est filmé. Bon, il y a des témoins quand il y a quelque chose qui sort et que visiblement on peut établir. Les gens vont dénoncer, vous pensez? Vous savez, la ville m'a élu, donc j'aurai suffisamment de gens qui sont favorables qui n'hésiteront pas à témoigner. Ouais, mais on ne sait pas pourquoi, mais je pense qu'on peut faire confiance aux militants FN pour témoigner, pour dénoncer. Donc demain, à Villers-Cotterêts, soyez vigilants. Alors moi je vous laisse hein, avec l'argent de cette chronique. Je vais aller m'acheter un CD du groupe Les VIP tant qu'il est encore temps. Parce que vu la mainmise du FN dans la région, il n'est pas impossible que les lendemains déchantent. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Vincent Lacoste. On peut voir le film de Pascal Bolitzer en salle mercredi tout de suite maintenant. Et tiens, ce soir, dans le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard en deuxième heure à 22h, Pascal Bolitzer sera invité pour approfondir hein, le sujet parce qu'on n'a pas... approfondi déjà. Non, non, c'est avec nous. C'est à cause de nous qu'on approfondit pas des masses. Vous n'y êtes pour rien. Allez, le deuxième sujet avec vous, la course de vélo la plus effrénée du moment, c'est celle que se livrent les sociétés de livraison de repas à domicile. Les types qui promettent votre blanquette de veau dans un sac à dos et qui traversent Paris à fond de balle, ils travaillent pour ce qu'on appelle la food tech, un nom compliqué pour un service déjà pratiqué depuis longtemps par l'arabe du coin. Je voudrais... une paire de chaussures en croco, c'est pas possible. Oui, les chaussures, voilà. Voilà. Vous voulez le cirage avec? Non. Non, je voudrais la petite pendule plaquée or, là, puis aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech? Oui, oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison? C'est possible aussi? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande, en plus des cacahuètes, oui, le costume bleu, là, qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible? Oui, oui, bien sûr, voilà. Regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Hassan CF, c'est possible. Les inconnus. Non, les nuls. Oui, pardon. Oh là là, c'est juste. Attention. Oh là là, c'est les nuls. Évidemment. Alors, pendant l'euro. Dit-elle en corrigeant sa copie. Oui, c'est ça. Pendant l'euro, les livreurs à vélo travaillent encore plus. C'est ce qu'on appelle la food tech. Donc, vous voyez, c'est coureurs cyclistes. Je sais pas, la blanquette la plus rapide de Paris. Une quoi. Équipe Deliveroo voilà. Autour de France, ce serait marrant. Et donc pendant l'euro, ça se développe de plus en plus avec plusieurs services concurrents. La food tech, c'est un tournant. Vous avez déjà utilisé ce service, vous, Vincent Lacoste? C'est-à-dire, paf, on clique et bim, ça tombe dans l'assiette? Ouais, carrément, ouais. Ah ouais, ouais, très souvent même, j'ai très souvent la flemme de faire à manger en fait, donc je fais très souvent ça. Non mais c'est très chouette en fait, parce que pour la première fois, non seulement ils sont à vélo, donc c'est écologique bien sûr, et ouais. en plus, c'est des bons restos quoi. Parce qu'avant il y avait les autres trucs et tout ça, mais on devait se payer des restos dégueulasses parce qu'on avait la flemme de sortir quoi. Tandis que maintenant, on peut bien manger. Voilà. Et ouais. Mais ils arrivent dans quel état? Il y en a aucun qui s'est déjà pété les dents en arrivant chez vous? Non, ça va. Ils sont un peu. Non, ça va. J'ai l'impression que non. Bah après ils ont l'habitude. C'est des gens sportifs. Hein. Mais pourtant à Paris, on a tout. On a la chance par rapport à d'autres endroits en France d'avoir quasiment tout en bas de chez soi. Alors pourquoi est-ce qu'on commande quand même? Elle vous traite de feignasse, hein, à demi mot comme ça. Non mais par exemple là aujourd'hui, par exemple, qui est vraiment une journée pourrie au niveau du temps. Ouais. C'est mieux que d'autres. Autant que ça soit avec en cas ouais. À vélo. Là par exemple, non mais je veux dire, personne n'a envie de sortir, quoi. On va pas aller boire des coups, faire je ne sais quoi, ou se faire un petit resto. Et là, la dernière fois, j'ai goûté un petit indien. délicieux, quoi, vraiment, je me suis fait livrer. Take it easy. Nous, on s'attendait à une position de gauche en disant oui, l'uberisation de la restauration. vous voyez, ces gens sont sous-payés. Mais il y a un petit côté pervers à dire. Il va se mouiller pour m'amener ma blanquette. Il y a un petit côté pervers, moi je trouve. Ah bah oui, mais attends, oui, d'accord, mais enfin, ça, c'est le concept de la livraison. Alors là, bah non. Oui, évidemment. Alors, en revanche, il y a un juge qui va devoir bientôt trancher parce qu'il s'agit d'auto-entrepreneurs. Et certains commencent à saisir la justice en disant attendez, attendez, parce que moi j'estime que je suis salarié. Et alors les start-up disent que les, ils appellent ça des runners, sont libres. C'est des runners, c'est vrai, c'est en anglais. Le dire en anglais. Des runners, les runners qui sont libres d'une part de se connecter à la plateforme quand ils souhaitent, donc de pas travailler quand ils veulent pas, voilà. Et d'autre part de travailler pour d'autres. Alors là, il y a différents types de vues, parce qu'il y en a qui disent non, il nous oblige à travailler toujours pour le même. Ce côté un peu... Vous êtes un auto-entrepreneur, dans le fond. Pourquoi vous rigolez? Il fallait dire un peu. Parce que vous dites autre-entrepreneur. Ça m'a fait très rire d'être autre. Moi, je suis d'accord, il est autre. Même au galop, on peut dire. Que c'est comme si on avait bu, mais on n'a pas bu. Il faut le dire à l'auditeur. Les jours où on ne boit pas, il faut le dire à l'auditeur, on n'a pas bu. C'est vrai, pour une fois, c'est vrai. Vous êtes auto-entrepreneur, en fait, presque, non? Ouais, c'est vrai, Non, mais je suis peut-être l'équivalent. Après, je sais pas comment je connais pas le fonctionnement des runners, hein. Après, moi, c'est vrai que je suis un auto-entrepreneur. C'est-à-dire, je travaille pour des gens, mais je suis un peu comme un gars qui va livrer des trucs pour des restaurants. Par exemple, les réalisateurs sont des restaurants, les productions, et puis moi, je fais comme ça, hop. C'est une belle, métaphore. Ouais, sauf que c'est pas là-dessus que le juge va choper, c'est sur le droit du travail. T'es salarié quand tu vas faire un film. C'est vrai. Mais après, quelle est la polémique alors? Parce que moi, c'est comme Uber, c'est pareil. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut réussir à canaliser une profession qui échappe aux cotisations et aux choses comme ça? Ça semble être un peu la jungle. C'est toujours la même histoire que, voilà, c'est comme la loi El Khomri, c'est le même problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Capital contre social. Voilà. Et voilà. Très simple. Voilà. D'Hippolyte Girardot. Ah non, mais c'est vrai, c'est souvent comme ça. Mais il y a un petit Indien qui est pas mal. C'est super, ça. Le gars pédale bien en plus, donc par ailleurs, si vous êtes fatigué. C'est vrai. Pour Vincent Lacoste, qui est passionné de cyclisme, vous regardez le Tour de France. J'aime bien le cyclisme. Non, mais le concept est bien. Après, je connais pas tous les trucs des Si vous regardez ça, vous coupez l'appétit. Alors ne le faites pas. C'est ça. Hippolyte Girardot. Oui. Alors, oui. Oui. Alors. Allez. Ouais, j'ai un peu le blues, c'était la fête des pères hier, puis j'ai appris de mauvaises nouvelles pour ma vieille bagnole. J'ai appris que bientôt fallait qu'elle parte à la casse quasiment. Alors voilà, j'avais le blues et j'ai commencé à chanter. Vous savez comment je suis, Charline? Ah oui, bah oui. Fête des pères, je me balade avec mes fils. Ils me disent qu'ils kiffent plus Paris, que la ville pue le fric, que la ville est pourrie. Ils disent qu'il n'y a que la thune qui compte ici. De quitter le fils, de quelle aristocratie? Papa, ils me disent, tu m'as dit Paris est une fête. Tu nous as dit c'est Beyrouth sans la guerre. Tu nous as dit c'est moi sans ta mère. Doucement, fils, du calme. Papa, pourquoi ta génération veut que tout soit clean, porter des Nike avec des hoods, se mettre du Botox, taper le Viagra, manger local, faire du vélo, cliquer son quinoa, le mettre sur Instagram, faire yoga plutôt que l'amour, même au shot, rester glamour. Tu sais, ta vieille voiture américaine, elle fait des ordres chez Hidalgo. Comme les DS, comme les Twingo, t'aurais dû avoir une Volkswagen. Tu sais, la voiture qui truque les tests. Regarde ce qui nous reste. Regarde ce qui te reste, pape. Sans déconner, tu dois chanter avec nous la complainte des bannis. La complainte des zombies de Paris. Il est temps que tu partes. Et avec nous, pas de blême, ça farte. Hidalgo, je suis heureux de partir. Hidalgo, je suis heureux de finir. Parce que rester ici serait trop. Oui, serait trop. Beaucoup trop. Vas-y, plus fort, pape. Ok, Hidalgo, j'arrêterai de boire et de fumer. Hidalgo, et même de manifester. Je vais dégager avec ma bique. Je vais dégager d'ici, être un zombie de Paris. Zombie de Paris, ouais. De toute façon, trop de trucs me manquaient dans Paris. Dans la première charrette, moi, j'étais prêt à partir. Me manquaient les kiosques à tous les carrefours, les journaux pleins d'encre que tout le monde achetait. Me manquaient les bistrots à nappes en plastique avec porte-manteau, grand miroir éclairé par des appliques. Et pas de lounge, de chill-out, de tartare-taille authentique. Et des pavés, ouais, pour les retirer et les lancer. Moi, je voulais des portes cochères sans les codes, sans les faunes. Et faire l'amour en vitesse sans réveiller le concierge. Rire ensuite de cette drôle de gymnastique. Moi, je voulais des boutiques incompréhensibles qui vendent des vis, des casquettes, des porte-mines, des valises en bois, des masques d'Halloween. Moi, je voulais que la Samaritaine reste la Samaritaine. Et pas un hôtel de luxe pour putes et princes qataris. Moi, je voulais qu'à Paris, ce soit que Paris. Pas Milan, Bombay, Washington DC. Moi, je m'en foutais que cette ville soit pas bio. Moi, je voulais un couscous, un œuf maillot. Je m'en foutais que les pots soient pas catalytiques, que les motocross ne soient pas électriques. Qu'il n'y ait pas que 3 ou 4 quartiers chics à l'heure Hidalgo après tout. Tu sais quoi? Je m'en fous. Je suis trop pauvre pour Paris, trop vieux pour Paris. J'ai l'impression d'être aux eaux, mais du côté enfermé. Hidalgo après tout, je m'en fous. Je pollue trop pour ta ville. Ben, tu sais quoi, moi, ma bique, on roulera de nuit et très loin d'ici. Hidalgo, je suis heureux de partir. Hidalgo, je suis heureux de finir. Parce que rester ici serait trop. Ouais, serait trop. Beaucoup trop. Hidalgo, j'arrêterai de boire et de fumer. Hidalgo, même de manifester. Je vais dégager avec ma bulle, dégager d'ici, être un zombie de Paris, un zombie de Paris. Voilà, Charlie, il est 3h du mat, je démarre la bagnole, j'allume ma clope, j'enlève ma ceinture, je passe en mode cruise sur les grands boulevards, et je vois que des CX, une Versailles, des Pontiac, et je vois même une Dauphine. Et il y a une petite Mini de 65 qui me fait de l'œil. Je glisse doucement vers le parking pour faire l'amour. Juste pour faire l'amour. Hidalgo, je suis heureux de partir. Hidalgo, je suis heureux d'être parti. Hidalgo, je suis content d'être un zombie. Un zombie de la nuit. Un zombie de Paris. Ciao. Hippo Girardot représente sur France Inter. Merci Hippolyte. Merci Aline. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ce nuage de pollution quand même qu'il y a à Paris? Voilà, on le met la nuit. Vos conneries poétiques, ça n'a pas touché les colos. Hein. Vous allez manger ces bouillies. Je sais bien, comment c'est. Mais après, on peut faire un putain de lien avec tout ce qu'on a dit depuis le départ, mais ça part trop loin. Quoi. Mais c'est vraiment, c'est l'ubérisation de la société. Voilà, ça correspond à ça. Une espèce d'appauvrissement général d'une ville où on va se retrouver dans une sorte de musée, qu'on le veuille ou non, et pas pour nous, pas pour les gens qui vivent ici, mais pour les gens qui viennent. Et c'est dit avec poésie, rythme et musique. Merci Hippolyte, on peut vous réécouter sur franceinter.fr pour réapprécier. Vincent Lacoste, ah, vous avez vu ça? Paf. Ah ouais. Ça impressionne quand même. Allez, on va aborder avec vous le troisième sujet. L'école remplit mal sa mission d'éducation à la sexualité. Mais oui. Oui, c'est ce que j'allais dire, je vais vous engager, Marius. C'est la conclusion d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'éducation nationale se défausse sur le sujet, alors les jeunes se tournent vers Internet ou vers les copains. Alors la langue et tout, la bave, comment tu fais? Ça coule pas sur les côtés? Ça fait pas découler là? Ben non, mais en fait ça se fait naturellement. C'est aspiré. Faut faire ventouser avec la bouche? Ben non, mais tu sais, avec les mouvements, ça coule pas. Ça fait un courant, un peu comme avec les hélices des bateaux. Du mouvement? Mais quel mouvement? Ben tu tournes. Attends, je te montre. Les beaux gosses. Et ouais, d'ailleurs, il y a une scène coupée d'éducation sexuelle dans Les beaux gosses où mettait des préservatifs sur des gros godes. Ouais. Mais voilà, j'allais vous poser la question. C'est l'histoire des beaux gosses un peu. Vous pourriez conseiller ce film justement aux ados qui se posent des questions, comme on n'en parle pas tellement dans l'éducation nationale. Et apparemment, il y a un quart des établissements scolaires qui se défaussent et qui ne parlent pas d'éducation sexuelle alors que ça fait partie un peu du programme et qu'il doit y avoir une séance ou deux. C'est un film qu'on peut conseiller finalement. Ouais, dommage qu'ils aient coupé cette séquence. C'est vrai, bien sûr. Après, je sais pas si ça va franchement les aider, hein, mais en tout cas, ils peuvent remonter. Ils se sentiront accompagnés après, quoi. Mais oui, c'est ça, ils se sentiront pas tout seuls. Ouais, du moment qu'on en parle, c'est déjà un pas, parce que je suis curieux de savoir ce que c'est que ces cours d'éducation sexuelle à l'école. À quoi que ça correspond? Alors, il y a notamment la contraception, etc. Oui, c'est ça, on est d'accord que c'est à ce niveau-là. C'est alors que la contraception. Alors que les beaux gosses, ils sont intéressés par comment pécho, quand même. C'est le truc du départ pour l'éducation sexuelle. Il faudrait Hippolyte, le crooner, pour aller expliquer comment pécho dans les classes de France. Non, mais c'est ça qui est génial dans les beaux gosses. C'est formidable. C'est vrai. Donc, le reproche qui est fait pour l'instant à l'éducation nationale est aussi d'en parler d'un côté ou biologique, ou moralisateur, ou froid, technique, voilà. En même temps, on trouve assez facilement sur les internets. Oui, je crois que tu te trompes là-dessus. Justement, ce qu'il y a sur le net, justement, que les gosses vont voir, c'est pas ça, justement. J'entends bien, mais c'est peut-être qu'il faudrait expliquer aujourd'hui le concret du truc et pas leur expliquer que ça existe parce qu'ils le savent. Le sexe, c'est la société. C'est l'amour, surtout. Non, le sexe, c'est la société. On est dans des pays catholiques qui sont extrêmement confus vis-à-vis de cette section sexuelle. Et donc, avec cette question-là, c'est très compliqué de faire de l'éducation, puisqu'on ne sait même pas ce qu'on va dire. Mais est-ce qu'on a envie, à 13 ans, d'avoir une vieille prof de sciences nat avec un collier de barbe qui nous explique ce que c'est? C'est un peu du délit de faciès, ça, monsieur. Elle se reconnaîtra. Ça ne faisait pas que des souvenirs. Vous vous rappelez d'avoir eu, vous, des cours d'éducation sexuelle à l'école ou pas? Un jour, on nous avait filé des préservatifs, je m'en souviens. Ouais. Moi, j'avais 13 ans, donc j'étais quand même loin du... On a fait des ballons. Non, en plus, je m'en souviens, il y a un gars qui couchait déjà avec des filles qui m'a dit: tiens, passe-la moi, de toute façon, ça te servira à rien. Ça, c'est de l'éducation. Il y a aussi le fait que l'éducation nationale soit un peu frileuse sur ces sujets qui deviennent tabous à l'école, parce qu'ils ont été échaudés par le fameux ABCD de l'égalité, vous rappelez? Toute cette histoire de alors rose, c'est pour les filles ou pour les garçons, la manif pour tous, etc. C'est drôle. C'est comme quand on a demandé aux profs d'apprendre le code numérique à l'école, ils savent pas ce que c'est. Il y a deux semaines. Oui, c'est vrai, exactement. C'est pareil. Mais que fait l'éducation nationale? C'est quand même incroyable. Hein, c'est à nous d'éduquer l'éducation nationale. Ouais, par ailleurs, il y a des sites de séduction. Moi, je me souviens, il y avait un ami qui allait sur des sites de séduction carrément. Un tuto expert en séduction. Et c'était un tuto. Il y avait des vidéos d'un mec qui allait dans la rue et qui montrait comment aborder une femme dans la rue. Quoi. Il disait hey, salut, et lui disait un détail physique. Il était très sûr de lui. Hey, salut, dis donc, qu'est-ce que tu portes là? T'as plein de courses. Où est-ce que tu vas? Je peux t'aider, j'espère. Ça a l'air très probant. Vincent Lacoste, nous avons un rôle pour vous. Eh bien oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Je vous envoie le texte. La primaire à gauche a été annoncée. Il y en aura une. Alors on s'est demandé comment certains candidats potentiel allait pouvoir recevoir l'information. On se rend d'abord chez le couple Macron. Vous êtes Vincent Lacoste, Emmanuel Macron, Charline et Brigitte. Et puis, à la moitié du sketch, on se rendra ailleurs. Bon chaton, t'y vas ou t'y vas pas? Attends, je me fais un shampoing aux œufs. Ta petite escapade à Montreuil, t'as pas suffi? Non, désolé, c'est mon côté proche du peuple. Oui, bah justement, le peuple t'attend. Hein. C'est une évidence, bien plus qu'Arnaud Montebourg. Tu veux dire le gars qui vend des meubles? Oui, enfin, je te rappelle que je suis le gars des autocars. Ah oui, merde, c'est vrai. Mais je suis pleinement serein face à l'inventeur de la fête de la rose. Ouais, c'est ça. Vas-y, chaton, en marche! En toute modestie, c'est gagné d'avance. Et puis je ferais bien une bien meilleure première dame qu'Aurélie Filippetti, moi. Ouais, évidemment. Enfin, cela dit, qu'est-ce que j'irais faire à la primaire de la gauche? Bah, te faire élire, Gronigo. Ouais, mais j'ai dit à tout le monde que j'étais ni de gauche ni de droite. Oui, alors que tu es ni de gauche ni de gauche. Enfin, tu me comprends. Oui, je suis peut-être la seule en France. Pendant ce temps-là, chez les Montebourg. Et là, c'est Charline qui est Montebourg. Vous êtes Aurélie Filippetti. Bon, chaton, t'y vas ou t'y vas pas? Mais attends, je travaille mon redressement productif. C'est élégant. Désolé, c'est mon côté proche du peuple. Mais justement, le peuple, il attend. Il t'attend. C'est une évidence, bien plus que Emmanuel Macron. Quoi, le gars des autocars? Ouais, enfin, je te rappelle que toi, tu es le gars qui vend des meubles. Hein. Oui, merde. Je suis pleinement serein face au type qui vient seulement de découvrir le porte-à-porte. Ouais, c'est ça, vas-y chaton, la Saône-et-Loire vaincra. En toute modestie, je crois que je t'ai gagné d'avance. Hein. Et puis je ferai une bien meilleure première dame que Brigitte Macron. Hein. Évidemment, cela dit, qu'est-ce que j'irais faire à la primaire de la gauche? Te faire élire, bêta. Mais j'ai dit à tout le monde que j'étais plus à gauche que la gauche. Alors que t'es seulement plus à gauche que le PS, je sais. Ouais, enfin, tu me comprends. Je suis peut-être la seule en France. Vous faites une jolie Aurélie Filippetti. Grand acteur. C'est un grand acteur. Faire plus... Non, mais je sais pas, j'aurais pu le faire, j'ai des angoisses d'acteur maintenant. On peut en refaire une. Ouais, on peut en refaire une. C'est vrai. On peut proposer autre chose. Vous avez ce genre d'angoisse au moment d'aborder un rôle, quand vous abordez votre rôle dans Tout de suite maintenant? Cette froideur, cette dramaturgie, c'est quand même une sorte de drame psychologique, très psychologique. Vous faites comme tous ces acteurs français qui se prennent la tête, genre sur le psychologique. Ouais, je suis vraiment un acteur français. Non, pas vraiment. Je suis assez angoissé parce que j'ai peur d'être mauvais, en fait, tout simplement. Et ensuite, non, je sais pas. On va dire que ensuite, je fais confiance au réalisateur, à la réalisatrice, en fait. Donc voilà. Après, forcément, j'ai des angoisses, mais bon, j'ai un peu honte, quoi. C'est tellement ennuyeux, en fait, les angoisses d'acteur que. Genre, oh là là, je sais pas si j'ai été bon. Mais ça fait partie de votre processus créatif. C'est vrai, en effet. Non, mais moi, je suis plus angoissé avant. Et ensuite, j'ai l'impression d'avoir été nul, certes, mais si la personne est contente... On vous rassure, voilà. Vous êtes très très bien dans ce film. Merci. Qui est Tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer, qui est en salle mercredi, avec notamment Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer ou Pascal Grégory, avec la musique de Bertrand Burgala. Il y a peut-être une scène où il aurait pu être mieux, mais bon voilà. On peut épiloguer. Allez, le mot de la fin, au cours d'éducation sexuelle, à la maison. Enfin Renaud, ça peut pas l'avoir traumatisé d'avoir vu ta verge.